voler au-dessus des nuages, en dessous les orages, les hommes et leur village, les hommes et leur maison, et s'approcher d'un ciel où nous n'irons jamais. Vitesse idéale, sous un angle parfait, voler et s'approcher d'un ciel. Où nous n'irons jamais. Comme l'horizon se noie, quand le haut et le bas ne signifient plus rien. Comme un oiseau de proie, vers le cercle et la croix, retrouver le terrain. Voler et revenir enfin. De présage, les mauvais et les sages, les mensonges et des vrais, et s'approcher d'un ciel où nous n'irons jamais. D'un ciel où nous n'irons jamais. Où nous n'irons jamais.